est offerte par Cuisinella. Des cuisines responsables, fabriquées à partir de bois 100% recyclé. Nouvel espace, boulevard de Welbourg, à côté de Sebastiano. Cuisinella, la la la la. Vous écoutez Chérie FM Guadeloupe. Il est 14h. La plus belle musique. DS Automobile vous a présenté l'heure avec la DS3, l'art du raffinement. Les matelas et oreillers Tempur vous présentent les infos avec Tropic Litry, 588 rue Ferdinand Forest à Jarry. Chérie FM Guadeloupe, l'essentiel de l'actualité. Bonjour à tous. Elle affirme avoir été séquestrée, torturée pendant 12 ans par son mari. Une Allemande de 53 ans a été découverte par la police dans la ville de Forbach en Moselle. C'est elle qui a prévenu les secours hier soir. Elle a été retrouvée enfermée dans sa chambre avant d'être hospitalisée. Son mari est interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour séquestration, viol aggravé et actes de torture et barbarie. Émotion et incompréhension au Cap d'Agde. Un accident de manège a fait un mort, un adolescent de 17 ans et une blessée grave ce week-end au Luna Park. Le drame s'est produit sur une balançoire géante dotée d'un élastique. Le garçon qui est décédé a violemment heurté l'un des poteaux de la structure. Le vent pourrait être en cause. Une enquête est en cours. L'hôpital de Remiremont dans les Vosges fait face à une série de plaintes. 12 plaintes ont été enregistrées depuis le début du mois de mai 2022, dont 8 pour homicide involontaire. La dernière date du mois de juin. Un homme accuse l'hôpital d'être responsable du décès de sa mère après qu'elle ait été opérée dans l'établissement. D'après l'avocate des familles, l'établissement de santé pourrait voir d'autres plaintes être déposées prochainement. Une réunion extraordinaire jeudi à Abuja au Nigeria. Les dirigeants de la CDAO se réuniront pour un sommet extraordinaire sur le Niger, annonce aujourd'hui de l'organisation ouest-africaine. Au lendemain de l'expiration de son ultimatum aux putschistes exigeant le rétablissement du président nigérien déchu. Également, dans votre actualité, Gérald Darmanin demande la dissolution du groupe d'extrême droite Civitas. Une demande suite aux propos antisémites tenus par un essayiste lors des universités d'été de Civitas. Le ministre de l'Intérieur a annoncé saisir le procureur de la République pour lancer l'instruction du mouvement politique. Et enfin, un mot de football. Marseille connaît son potentiel adversaire en barrage de la Ligue des Champions. L'OM pourrait retrouver les Portugais de Braga ou les Serbes du Baka Topola. Mais avant ça, les Olympiens devront passer le troisième tour préliminaire. Match aller mercredi en Grèce face au Panathinaikos. C'est la fin de ce Flash Info. Bonne soirée à tous. Chérie FM en Guadeloupe. Chérie FM. Salut, c'est Clara Luciani sur Chérie FM. Feel good music. Chérie FM. Loquilla, amon. J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte. Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Enfant de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh, pourquoi? Rien que pour toi. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la veille. Protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu. Le feu. No puedo luchar contra el viento. Quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme. Era solitaria, pensativa. Yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Dès que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu, le tête. J'ai des mouvements de colère sous le troisième millénaire. Tout casser, tout refaire. En Guadeloupe pour mon tout nouveau spectacle le 9 août. Vous l'aurez compris, Thaï, notre comédien canadien préféré, est de retour et vous donne rendez-vous le 9 août au Palais des Sports du Gosier à 20h. Soyez prêts. Les billets sont disponibles sur Allmall, Bizouk et monpass.store. Ah oui, je vous attends. La Guadeloupe, ok, c'est correct. Madame Wikile, s'il vous plaît. Avec Chéri FM. Tout de suite. Retour de la musique non-stop sur Chéri FM. To replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever see it's over. Been a nigga since I came out my mama. Thinking God daddy never wore a condom. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Let J'attendrai pas demain. J'aimerais que toi tu fasses de même. Je veux te montrer le chemin et t'accompagner à tout jamais. Elle vient du petit Neymar. Elle danse la Macarena. Je lui fais des blagues, elle casse des bars. Elle sourit, je perds les pédales. Bébé, toi je dribble légèrement. Elle a beaucoup de prétendants. Baby, ça tu crèves l'écran. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Bessamé, si Bessamé, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Close to your mother. Tell me about your dreams. when you're talking that go dead. Shut your mouth, give me your head. What do you want to do? Baby said, let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Baby said, we were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. passent les étés, passe tout le temps qu'il faudra tuer. Dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi, passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les chevelures. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the line.

FM en Guadeloupe. Chérie FM. Événement au zoo de Guadeloupe. Pendant les vacances, nouveautés et surprises vous attendent. Venez rencontrer les jaguars, les perroquets, les singes. Baladez-vous au milieu des lémuriens. Promenez-vous dans les arbres. Et surtout, découvrez Pilosa, le paresseux qui se la coule douce. Au zoo de Guadeloupe, c'est le moment de venir profiter de la fraîcheur et du cadre 100% nature en forêt tropicale. Le zoo de Guadeloupe au parc des Mamelles. Tickets en vente sur zoodeguadeloupe.com. Suite, retour de la musique. Non-stop. Sur Chéri FM. Feel good music. Oh, Offerte par Cuisinella. Des cuisines responsables, fabriquées à partir de bois 100% recyclé. Nouvel espace, boulevard de Welbourg, à côté de Sebastiano. Cuisinella, la la la la. Vous écoutez Chéri FM Guadeloupe. Il est 15h. La plus belle musique, Chéri FM. DS Automobile vous a présenté l'heure avec la DS3, l'art du raffinement. Les matelas et oreillers Tempur vous présentent les infos avec Tropic Literie, 588 rue Ferdinand Forest à Jarry. Chéri FM Guadeloupe, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Un récit digne d'un film d'horreur suite à la libération d'une femme allemande de 53 ans retrouvée enfermée dans une chambre d'une maison à Forbach en Moselle. Son mari a été interpellé et une enquête a été ouverte pour séquestration, acte de torture et de barbarie. Pourtant, les investigations menées depuis ce matin ont amené d'autres éléments à l'enquête, comme nous l'explique le procureur de la République de Sarreguemines. Il y a vraisemblablement un curseur qui est en train de se déplacer d'un scénario absolument effrayant tel que finalement il pouvait être accrédité ce matin, et des conditions de prise en charge d'une maladie insatisfaisante. C'est encore le temps de l'enquête. Nous sommes au premier quart d'un temps de garde à vue de 48 heures. D'ores et déjà, j'inclinerai à penser que le curseur semble susceptible de quitter la zone la plus critique et la plus effrayante du scénario initial. Le mari a lui été placé en garde à vue pour une durée de 48 heures. Que va-t-il se passer maintenant au Niger ? L'ultimatum lancé par la CDAO aux putschistes a expiré hier à minuit. Les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menacent désormais les auteurs du coup d'État d'une opération militaire. Les pays membres ont également annoncé qu'ils se réuniront jeudi à Abuja au Nigeria. En réponse, l'espace aérien du pays a été fermé. Également dans votre actualité, à Marseille, un policier hors service blessé lors d'une rixe. Ça s'est passé ce matin dans le 2e arrondissement de la cité phocéenne. Au moins un coup de feu a été tiré avec l'arme du fonctionnaire dans des circonstances qui restent à éclaircir. La balle a touché à l'épaule une autre personne impliquée dans l'altercation. Elle a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. On termine avec un mot de football. La Coupe du Monde féminine continue. L'Australie s'est qualifiée à domicile pour les quarts de finale après sa victoire facile 2-0 cet après-midi face au Danemark. Des Australiennes que l'équipe de France pourrait retrouver au prochain tour, mais les Bleus doivent tout d'abord passer face au Maroc. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous. Chéri FM en Guadeloupe. Chéri FM. Salut, c'est Amir sur Chéri FM. Feel good music. Chéri FM. Place somewhere else far away. Well, you know what they mean, and they mean what.

Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Chéri FM, Feel Good Music. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Just a fool to me. Chéri FM, c'est tout ce que j'aime.